Déjà, devenir pétiniste rétrospectivement, c'est l'une des plus belles illustrations de l'erreur en politique. Mais être juif et pétiniste, une gageure, et ce terrible cumul est personnifié par un personnage extrêmement complexe, Emmanuel Berle. On doit notamment à Berle les mots de Pétain, la terre, elle, ne ment pas. C'est donc un superfell exceptionnel que j'ai décidé de consacrer pour cette semaine de fête à Emmanuel Berle. Et pour ce faire, j'ai rencontré deux personnages, Olivier Filippona, que vous entendrez, c'est le biographe d'Emmanuel Berle, et puis également Jean d'Ormesson, qui a très bien connu Berle et qui était également le président des Amis de Berle. J'ai rencontré Jean d'Ormesson il y a 6 mois. Super fait. Olivier Filippona, bonjour. Bonjour. Vous publiez avec Patrick Linhart, Emmanuel Berle, cavalier seul, aux éditions Vuibert. Il faut tout d'abord rappeler aux plus jeunes d'entre nous qui était Emmanuel Berle, lequel est mort en 1976. Alors c'est tout l'objet de ce gros livre. Emmanuel Berle, il est encore connu aujourd'hui. D'abord parce qu'il a été le mari de Mireille, la chanteuse Mireille, qui a un peu introduit le swing en France et qui a dirigé le Petit Conservatoire, la télévision, la radio. Et puis surtout, on se rappelle de lui, il est encore cité dans le livre d'histoire parce qu'il a rédigé les deux plus fameux messages du maréchal Pétain avant Vichy, la période où Pétain était président du Conseil, donc en juin 1940. Mais au-delà de ça, Emmanuel Berle, c'est un écrivain, c'est un essayiste, c'est un penseur, c'est un polémiste, c'est aussi un romancier, on le sait moins, qu'il est très très intéressant de suivre parce que il naît à la fin du 19e siècle, il est parent de Proust, de Bergson, il fréquente Barrès à cette époque. Il va fréquenter tout le personnel littéraire et politique de la 3e, de la 4e, de la 5e République. Et ça finit par un livre d'entretien extraordinaire avec Patrick Modiano en 1976. Donc on traverse tout le siècle. Et si je vous ai demandé de venir aujourd'hui, c'est tout simplement parce que pour moi, Berle incarne plusieurs erreurs. Mais la première erreur que vous avez évoquée, Olivier Filippona, c'est d'avoir écrit deux discours de Philippe Pétain, deux discours alors que Berle est juif, qu'il ne renie en rien sa judéité, et donc la formule « la terre, elle ne ment pas » est de lui. Comment, en étant juif, juif assumé, peut-on rédiger les deux premiers discours de Philippe Pétain? Alors, bon, pour les deux premiers, c'est les troisième et quatrième, si j'ai bonne mémoire. Ce qu'il faut tout de suite préciser, c'est qu'il les écrit, je viens de le dire, au moment où Pétain est encore président du Conseil, où Vichy n'est pas encore entré en vigueur, le 10 juillet 40, où donc il y a encore aucune législation antisémite en France. Donc, le fait qu'un juif comme Berle écrive les messages du maréchal Pétain, messages qui n'ont aucun caractère antisémite, ça n'est pas une difficulté à cette époque-là. Le fait qu'il en soit venu à figurer dans l'entourage du maréchal Pétain, qu'il n'a jamais rencontré en personne, le fait qu'il soit resté à Vichy, malgré tout, après le 10 juillet, qu'il ait continué à avoir des contacts pendant une certaine partie de l'occupation avec des gens très importants à Vichy, là par contre c'est peut-être moins simple à comprendre. Mais ça s'explique assez bien. Depuis le milieu des années 30, Berle, qui a dirigé un très très fameux hebdomadaire, l'hebdomadaire de Gallimard, qui s'appelait Marianne. Et oui, parce que c'est lui qui a donné ce titre, Marianne, qui aujourd'hui reparaît sous d'autres auspices. Qui a fait Florès, oui, mais qui à l'époque était un des plus beaux hebdomadaires illustrés des années 30, qui ensuite a dirigé son propre journal, dont il était le seul rédacteur, qui s'appelait Pavé de Paris, de 1938 à 1940, a eu des positions extrêmement tranchées et extrêmement fermes sur ce qu'on appelle aujourd'hui la crise des réfugiés en France, c'est-à-dire principalement des réfugiés juifs chassés d'Europe de l'Est et d'Allemagne entre 1933 et 40. Quelle était sa position ? Sa position, d'abord, c'était de juguler l'immigration et particulièrement l'immigration juive, ce qui est effectivement surprenant de sa part. Parce que ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que s'il y a un engagement, Berle ne s'est jamais engagé nulle part, mais s'il y a un engagement, un seul, qu'il a tenu toute sa vie, c'est le pacifisme. Berle a fait la Première Guerre mondiale dans les tranchées, il a connu l'enfer des tranchées. Le pacifisme, pour lui, comme pour un certain nombre de ses camarades d'après-guerre, Drieux-La Rochelle, Jean Guéhenno, beaucoup de Romain Rolland, le pacifisme, c'est absolument crucial et ça vaut tous les sacrifices. C'est ce qui fait déjà, parce que on a débuté cette émission depuis peu de temps, mais ça fait déjà beaucoup d'erreurs. Il était contre l'arrivée des migrants. Il était munichois, puisque être pacifiste, ça veut dire être munichois, et assumer son munichisme, je ne sais pas comment le dire, oui. y compris après-guerre, Olivier Philipponna. Ah oui, il l'a assumé jusqu'au bout. Pour revenir très très brièvement à l'histoire des réfugiés juifs, lui, son obsession, c'est que tous les réfugiés qui sont sachés d'Allemagne en France puissent introduire le ferment communiste, donc l'anarchie, donc les possibilités d'une nouvelle guerre, d'un nouveau conflit. Voilà, il souhaite absolument éviter tout ça. Il veut camper sur son précaré. Et Munich, pour lui, comme quand même pour la majorité des Français à l'époque, hein, il faut le rappeler, c'est une victoire. C'est une victoire de la paix. Et il n'y a rien de plus frappant que de constater le dépit de Berle en mars 39, quand Hitler trahit les accords de Munich et envahit la Bohème-Moravie et Prague. Pour lui, c'est une trahison. Il devait être possible, malgré tous ses défauts, malgré tout, de s'entendre avec l'Allemagne nazie. Mais quand même, il faut faire preuve d'une naïveté insondable pour penser qu'Hitler était pacifiste. Berle, on va pas faire la liste de ses amis, elle est immense, mais Berle connaissait bien Jouvenel qui avait interviewé Hitler. Oui, on savait très bien quelles étaient les intentions d'Hitler. Comment peut-il être à ce point aveugle pour croire qu'Hitler est un pacifiste? La paix est exorbitante. Voilà le point de vue de Berle. Si ça doit coûter un accord avec les nazis, Berle est germanophobe, hein, depuis 14, il l'a toujours été. Mais par principe, il se refuse d'être antifasciste, ce qui ne veut pas dire qu'il soit pro-fasciste, pas du tout. Au contraire d'un Drieux qui a été son camarade, un de ses camarades les plus proches, il n'a jamais versé dans ce travers-là. Lui, il est pour la politique des accords. Alors, vous dites que les discours que Berle a écrits pour Pétain n'étaient pas des discours qui faisaient mention de son antisémitisme. Vous avez raison, mais dans l'entourage de Pétain, l'antisémitisme était déjà là. Comment faire pour se taire et pour ne pas entendre? Berle dit qu'il a quitté Vichy quand il a commencé à sentir cela, justement. Mais on est quand même troublé du fait qu'il reste en contact avec des gens de Vichy. C'est quelque chose qui va le poursuivre très longtemps, hein, jusqu'au milieu des années 60, où il assume d'avoir écrit ces discours-là, parce que bon, la période des procès est terminée, etc. Mais on sait qu'il a continué jusqu'en 43 à fréquenter des gens à Vichy même. On dit que Berle s'est caché en Corrèze pendant la guerre avec son épouse Mireille. En réalité, il bénéficiait de la protection de Vichy. C'est quelqu'un, Berle, dont on pouvait avoir besoin pour écrire un discours, pour prêter la main. Jusqu'au bout. Jusqu'en 43, en fait. Jusqu'en 43, jusqu'au moment où Pétain souhaite écrire un discours déclarant que s'il vient à mourir, il remettra ses pouvoirs à l'Assemblée nationale et on reviendra à la République. Berle écrit ce discours, donc là, de gaieté de cœur, parce que ça lui paraît être une bonne chose, mais les Allemands vont interdire la publication de ce discours et Pétain est mis sur la touche à partir de ce moment-là. Ce qui signifie que Berle a bénéficié en tant que juif d'une protection jusqu'en 43. Après, comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Ben après, il est en Corrèze et à partir de 44, les divisions SS, Das Reich, Totenkampf qui circulent, ça devient extrêmement dangereux. Donc il va vivre pour le coup vraiment caché chez un ami député, Anatole de Monzy, près de Saint-Céré. La situation paradoxale de Berle pendant la période où il est en Corrèze, de fin 41 à 44, c'est que, comme juif, il est à la fois à la merci d'une dénonciation, et la milice est particulièrement active dans ce secteur en 43, et comme protégé de Vichy, ce qui se sait malgré tout, il est aussi susceptible d'être descendu par des résistants ou par des communistes. Il a été inquiété après-guerre? Il n'a pas été inquiété après-guerre parce que il n'a pas publié sous l'occupation, il n'a écrit dans aucun journal vichyste, il n'a pas participé à la persécution antisémite, il n'était pas pro-fasciste, je l'ai dit, et que par ailleurs il ne figurait pas dans la liste des écrivains proscrits juste après-guerre, donc il n'avait pas de raison d'être inquiété. Mais le climat était tel après-guerre qu'il a cru bon quand même de faire profil bas, tout en publiant, c'est tout le paradoxe du personnage, un petit essai contre les excès de l'épuration, très argumenté d'ailleurs. Qu'est-ce qui... Ou plus exactement, comment Berle, rétrospectivement, voit-il ses erreurs? Comment se justifie-t-il après, dans les années 60 et jusqu'à sa disparition en 1976, Olivier Philipponna? Berle, s'il y a une erreur qu'il assume jusqu'au bout, parce qu'à ses yeux ce n'en était pas une et qu'elle était inévitable, c'est le munichisme, c'est d'avoir été munichois en 1938. Pour le reste, à la fin de sa vie, il reconnaît qu'en politique, il n'a pas eu le nez creux, si on peut dire. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque en 1934, ses amis de gauche s'interrogent quand même beaucoup, par exemple, quand il écrit sur les émeutes de février 34, où il y voit une espèce d'insurrection de la jeunesse, etc., etc. C'est assez douteux. Bon, il revient là-dessus. Ensuite, il y a Munich, il y a 1940. Donc, bon, ce sont des erreurs qu'il ne regrette pas, mais qu'il assume. Comment avez-vous rencontré Emmanuel Berle, Jean d'Ormesson ? De la façon la plus simple. J'avais beaucoup d'admiration pour Berle. La mort de la pensée bourgeoise, Sylvia, j'avais beaucoup aimé tout ce que j'avais lu de Berle. Et un de mes premiers livres, je l'avais envoyé à Berle, avec une dédicace un peu assez chaleureuse, naturellement, d'admiration. Et il m'a répondu, et il m'a envoyé une lettre absolument merveilleuse. Et cette lettre, ce qui m'arrive souvent, je réponds souvent tout de suite aux lettres qui n'ont pas beaucoup d'importance. Et les lettres plus importantes, au lieu de répondre très vite, je les laisse dans ma poche. Et j'ai laissé la lettre de Berle, je m'en souviens très bien, dans ma poche. Peut-être 15 jours, peut-être 3 semaines. Elle est restée si longtemps qu'il ne m'était plus possible de lui écrire. Et je me suis dit, je vais aller le voir. Et sans téléphone, sans lettre préalable, j'ai sonné à sa porte. J'ai demandé son adresse et j'ai été au 36, je m'en souviens encore, au 36 de la rue Montpensier. J'ai sonné et il y a une dame qui m'a ouvert. Et je suis tellement abruti que je ne l'ai pas reconnue aussitôt. C'était Mireille. Vivait avec Mireille et Mireille était adorable et elle m'a mené jusqu'à Berle et nous avons parlé et à partir de ce moment-là je suis allé voir Berle au moins une fois par semaine et évidemment j'étais crisé par la conversation de Berle. Je me rappelle, j'étais jeune, relativement jeune. Et je me rappelle qu'il me disait d'un air détaché, « Oh, je ne vois plus grand monde. Je parle un peu avec Malraux et un peu avec vous. » Évidemment, ça m'avait tourné la tête. Et alors, justement, de quoi parliez-vous avec Berle ? Alors, d'abord, c'était très amusant parce que il me recevait en général assis dans son lit. Je venais le matin, je venais le soir. Le plus souvent, il était dans son lit, même pas sur un fauteuil, mais dans son lit. Il n'était pas malade, il était très bien, très vif. Mais je crois qu'il lisait beaucoup au lit et on parlait essentiellement de littérature et évidemment. Moi, je n'avais pas grand-chose à lui dire. Je l'interrogeais surtout. Et ça l'amusait, je pense, de retrouver les souvenirs. Et je le lançais, évidemment, je savais un peu ce qu'il avait fait. Je le lançais sur Proust, je le lançais sur Aragon, je le lançais sur Breton. Voilà les 3 ancrages principaux. Et je l'ai vu, je pense, pendant 2 ans ou 3 ans. Et j'ai cessé de le voir aussi régulièrement parce que je suis devenu directeur du Figaro. Entretien avec Emmanuel Berle par Jean d'Ormesson. Emmanuel Berle, ce que vous êtes avant tout, c'est un intellectuel. Il y a sans doute beaucoup d'écrivains, de poètes contemporains qui sont plus connus du public. J'imagine. Il y en a même pas mal. Que Mauriac, Aragon, Malraux ont une œuvre qui est plus répandue et plus célèbre. Je le crois. Que la vôtre. Mais vous avez une qualité que tous vous reconnaissent. C'est l'intelligence. Oui, l'ennui, c'est que ça sert à rien. Mais vous avez quand même eu le temps d'enregistrer des émissions avec Berle. Comment l'idée vous en est venue, ou à moins que ce soit la sienne ou celle de quelqu'un d'autre? Mais je vais vous dire, j'avais une espèce d'émission à France Culture. Je crois que j'ai enregistré quand même des gens rudement intéressants. Vous avez enregistré qui? J'ai enregistré Caillois. J'étais très très lié avec Caillois. Alors Caillois, je le voyais tous les jours, puisque je travaillais avec lui à une revue qui s'appelait Diogène. J'ai enregistré Lévi-Strauss. Et donc, j'ai interrogé Lévi-Strauss, j'ai interrogé Caillois, j'ai interrogé Berle. Et avec ces conversations qui se passaient dans un studio de la radio, j'ai fait un petit livre qui s'appelait « Tant que vous penserez à moi ». Je me rappelle un épisode, peut-être trois mois après ma première rencontre, je suis entré en trombe chez lui. Et je lui ai dit, vous savez, les gens disent n'importe quoi. Vous savez ce qu'on m'a dit l'autre jour ? On m'a dit que c'était vous qui aviez écrit les premiers discours de Pétain. Comment est-ce qu'on peut inventer des choses pareilles ? Et il m'a dit, du ton le plus calme, mais c'est tout à fait vrai. Les premiers discours de Pétain, qui étaient si beaux, vous savez, la terre, elle, ne ment pas. Je tiens les promesses, même celles des autres. Je fais don de ma personne à la France. Toutes ces choses admirables étaient l'œuvre de Berle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. J'imagine que lorsque vous avez appris qu'il avait écrit ses discours, Jean d'Ormesson, vous lui avez demandé comment il en était arrivé à... Mais comment, d'abord, je suis tombé les nus. Je suis tombé les nus parce que je croyais qu'on m'avait raconté des craques, des blagues, qu'on inventait n'importe quoi. Et il m'a dit, du tout le plus calme, c'est tout à fait vrai. Et je lui ai dit, mais comment vous, qui êtes juif, socialiste, vous avez pu écrire les discours de Pétain. Et il m'a fait cette réponse tout de même extraordinaire. Il fallait bien les aider. Ils étaient si faibles. Je lui ai dit, c'est parce qu'ils étaient faibles que vous les avez aidés. Il m'a dit, vous savez, il faut se reporter à l'époque. C'est vrai, il faut se reporter à l'époque. C'était en juin 40. Vous savez, en juin 40, bon, je ne veux pas parler de moi, mais j'étais un petit garçon. Et il se trouve que j'ai été gaulliste en juin 40. Je n'ai pas entendu le discours du 18 juin, mais bon, les rumeurs me sont parvenues. Et je me rappelle très bien que je traçais des croix de Lorraine, pas en juin, mais en septembre sur les murs du lycée de Clermont-Ferrand. Et c'était une époque, vous savez, effroyable. La France avait été battue en 10 jours. L'Angleterre se battait, mais on ne donnait pas cher d'elle. Le débarquement en Angleterre était pour la semaine prochaine. Et on se demandait comment allait se passer la bataille d'Angleterre. L'Amérique était neutre et inclinée du côté de Pétain. Elle était L'Amérique a longtemps été plus indulgente pour Pétain que pour De Gaulle. La Russie n'était pas neutre, elle était alliée de l'Allemagne. Donc la situation était inouïe. Et je dirais que pendant trois semaines, la France entière a été pétiniste. Et vous remarquerez qu'il n'a eu aucun ennui à la libération. Est-ce que lui, Jean d'Ormesson, le regrettait ? Est-ce que Berle a pu laisser entendre dans les conversations que vous avez eues avec lui qu'il aurait mieux fait de ne pas les écrire ? C'est une très bonne question. Pas du tout. Il était tout à fait détaché et serein. Oui, il ne disait même pas « oui, j'ai fait une bêtise ». Pas du tout. Oui, c'est un épisode de ma vie assez curieux, vous ne trouvez pas ? Et alors je lui disais « vous qui êtes juif et socialiste », il me répondait « pas socialiste, communiste. Il était communiste, comme je suis évêque. Il n'était même pas socialiste, il était plutôt anarchiste, ou, enfin, évidemment, de gauche juif. Mais c'est quand même étonnant, parce que c'est un homme très original, comme vous. C'est quelqu'un qui, à votre différence, a eu un certain nombre d'actions qui étaient un peu, comment dirais-je, rétrospectivement curieuses. Il a été munichois, il a écrit les discours de Pétain, et puis, vous le rappelez, il était communiste après-guerre. Comment cela se fait-il qu'un homme aussi intelligent, aussi éclairé, ait pu commettre tant de dévues et on peut ajouter qu'il a longtemps collaboré avec Dérieux La Rochelle, qui n'était pas encore engagé comme il l'a été. Il ne regrettait rien. Il ne regrettait rien. Il y avait de grandes différences avec lui. Pas seulement les discours de Pétain, vous le dites très bien, il était munichois. Moi, j'étais alors Munich, j'avais, je ne sais pas, 9 ans ou 10 ans. J'étais ardemment anti-munichois. Ça aurait été moins mal qu'en 39. Mais ce n'est pas en 38 qu'il fallait attaquer Hitler. C'était en 34, ou 35, ou 36. Pour dire un mot très rapide, mon père était ultra-pacifiste, plutôt à gauche. Il avait été ambassadeur du Front populaire. Et il était loyal à l'égard du socialisme. Et il était ultra-pacifiste, très germanophile, antimilitariste. Très antimilitariste. Et il était pour attaquer Hitler en 34, quand il y a eu l'invasion de la Rhénanie, ou bien en 35, à la rigueur en 36. 38, c'était déjà un peu tard. En tout cas, Berle était munichois et moi pas. Et c'était évidemment, il y avait beaucoup de contradictions chez Berle. C'était un esprit très original. D'abord, très original. Ensuite, très intelligent, et politiquement, il n'était pas très assuré, hein. Moi non plus d'ailleurs, finalement, mais il était naturellement ardemment pour la résistance, mais il ne regrettait pas ses discours de Pétain. Il me disait même, c'était assez bien, non? Je disais, comment assez bien? C'était très bien, mais est-ce que c'était utile de faire ça? Juste une dernière chose, Jean d'Ormesson, quand vous le voyez, est-ce qu'à l'époque, on vous regardait bizarrement parce que vous fréquentiez l'auteur des premiers discours de Pétain? Est-ce qu'il était sulfureux? Non, il n'était pas du tout sulfureux. Il y avait chez Berle une espèce de côté enfantin à qui on ne peut pas reprocher des choses. On dit, mon Dieu, c'est un enfant turbulent. C'est un écrivain qui n'a pas de ligne. Il n'a pas de ligne. Il n'a pas une œuvre parce qu'il a. On ne peut pas le cerner. On ne peut pas le cerner. Il s'est occupé, évidemment, la morale bourgeoise. La morale bourgeoise, c'est un livre très intéressant, proche à beaucoup d'égards de ce que Blum a pu écrire, notamment dans Du mariage. Mais Blum, il a une ligne, on peut le situer. Berle est insituable. Superfell a été raté par Alexandre Fougeron, piétiné par Anaïs Isebaer et esquinté par Élise Leu. Superfell.